Chapitre 5e. Jean de Fer et Joey avaient quitté en coup de vent la bonne Mamita. La chère dévouée aurait bien voulu garder avec elle l'enfant de sa chair et l'autre qu'elle aimait d'un égal amour. Oh, rester toujours entre eux deux. Revivre ainsi jour par jour ce passé d'affection et de dévouement dont son pauvre cœur meurtri avait conservé l'ineffaçable empreinte. Mais il fallait partir. L'impérieux devoir exigeait ce nouveau déchirement. Mamita se résigna, embrassa les deux jeunes gens et cacha ses larmes pour pleurer plus tard pendant les longues journées d'attente. La piste. D'abord la piste de l'homme. Crie Jean de Fer aussitôt le soleil levé. On se souvient de ce coup de feu tiré sur le jeune homme par un inconnu qui écoutait les confidences de la nourrice. Confidences d'autant plus graves qu'elles concernaient le trésor des anciens rois aztèques. Et Jean voulait connaître cet espion qui devenait si vite un assassin. Pendant que Joey fait les deux pactages, Jean cherche la piste. Tout d'abord, il trouve la marque de deux pieds nus. Il regarde longuement les deux empreintes et dit « Bon, orteil écarté, cambrure accentuée, talon projeté un peu en arrière, ligne médiane infléchie en dedans, c'est un pied de métis et de cavalier, car l'abus du cheval a dû incurver les jambes. Cela ne m'apprend rien, mais je reconnaîtrai cette empreinte dans 10 ans, et n'importe où. » Il avance rapidement. La piste suit la rue vers la plaine. Jean la perd, la retrouve et finalement arrive hors du village. Là, des chevaux ont stationné. Ils étaient 5. 4 avaient leurs cavaliers restés en selle pendant l'expédition de l'inconnu. Craignant d'être poursuivi, ce dernier a sauté sur le 5e cheval sans même prendre le temps de se chausser. Comme tous les coursiers du désert, nul n'est ferré. Jean, auquel rien n'échappe, fait à ce propos une remarque importante. Au pied de derrière, côté montoir, le sabot porte une éraflure imperceptible qui le signale à l'infaillible chercheur de piste. Le peloton a pris le galop. L'homme aux pieds nus, marchant le premier. Près d'une haie de citronniers sauvages, le cheval s'est dérobé. Il s'est frotté aux branches épineuses. 2 crins et quelques poils y sont accrochés. Jean les aperçoit, les enlève, les examine et conclut. Parfait. Le cheval est noir, un peu plus grand que les autres. Son écart m'apprend qu'il est vif, et la finesse de son pelage qu'il a du sang plein la peau. Cela me suffit. Il revient à la maison. Tout est prêt, et les pactages sont fignolés de main de maître. Les lassos, les mousquetons, la réserve des cartouches, le sac à feu indien bien imperméable, le zarap roulé, une chemise de laine, le tassaro empilé dans les fontes, les 2 sacs à farine, le machette et sa gaine en cuir, une petite pince de mineur, une bouteille d'aguardiente, quelques rations de maïs pour les chevaux en cas de disette absolue. C'est tout. On s'étonne de la quantité des objets et du peu de place qu'ils tiennent ainsi répartis. Avec cela, on peut rester 2 mois dehors. Allons. Un dernier baiser à Mamita, dont les yeux humides admirent la fière prestance des 2 superbes cavaliers. Mamita, mère chérie, nous t'adorons. À bientôt. Oui, nous reviendrons. Pour ne plus jamais nous quitter. Allez donc, mes bien-aimés. Allez, où le devoir vous appelle. Partez vite, je ne peux plus. Oh, mes enfants, mes chers enfants !» D'un bond, il saute en selle, incapable d'ajouter un mot, la gorge serrée, les prunelles troubles. Il rend la main à Bob et au Mustang et part au galop sur la piste qui file vers le désert. Et la journée se passe ainsi à courir sur le sable fin dans la direction du levant. Cette première étape est longue et rude, et les inconnus ne ménagent guère leurs chevaux, ce qui fait dire à Joey « Je crois qu'ils veulent nous attirer dans une embuscade. Possible, répond Jean, car on dirait qu'ils affectent de ne pas cacher leur piste. Ils supposent peut-être que nous serons assez niais pour rendre fourbus nos chevaux à cette première poursuite. Ils ne connaissent pas Bob et le Mustang. Et surtout, ils ignorent que nous pouvons les suivre ainsi jusqu'au Rio del Norte, jusqu'au Texas américain. Modérons l'allure et prenons le pas. 1 heure avant le coucher du soleil, ils arrivent à une vaste case où demeure une famille d'Indiens Mansos. Un joli teco des palmas entouré de son jardin. La famille est nombreuse. Le père, un robuste gaillard d'une 40aine d'années, la mère, du même âge à peu près, puis 3 grands garçons de 15 à 18 ans, puis 3 grandes filles, et de la marmaille qui folâtre dans la cour avec les bêtes et les volatiles. Le Mexicain est l'homme le plus hospitalier du monde. Dans ce pays primitif, où les communications sont difficiles et les auberges plus que rares, le voyageur est assuré de trouver partout l'hospitalité la plus courtoise. Tous, depuis le grand seigneur jusqu'au plus humble Camperino, mettent littéralement leur demeure à la disposition de l'étranger qu'ils entourent de soins inimaginables. À peine Bob et le Mustang sont-ils arrêtés, que l'homme et la femme se précipitent pour tenir l'étrier au cavalier. Et quelle surabondance de politesse, avec l'énumération verbeuse des choses que l'on offre. Entrez, la maison est la vôtre, les gens sont vos esclaves. Il y a pour vous du chili, des frijoles, des tortillas, pour vos chevaux du maïs et de la paille fraîche. Béni soit Dieu qui a mis notre demeure sur votre route. Merci à vous, merci, amigos, répondent les deux jeunes gens en serrant à les désarticuler les mains tendues. Les chevaux sont descellés et conduits sous un hangar. Jean leur mesure lui-même la quantité de feuilles et de graines de maïs devant former leur ration. Il défend qu'on n'y ajoute rien, puis après un solide coup de bouchou, entre avec Joey sous le teco. Tout le monde s'empresse, et l'énumération des friandises offertes aux voyageurs est encore au-dessous de la vérité. « Allons, señores, un verre de mezcal, » propose l'hôte. « J'en ai d'excellents. » Et il n'y a rien de meilleur pour ouvrir l'appétit. Refuser serait une injure. Les deux amis acceptent d'un signe de tête et s'asseyent devant la table sur des tabourets de rotin finement tressés. Une jeune fille apporte le mezcal dans ses petites cruches rouges, dont le modèle est demeuré invariable depuis la conquête espagnole, et l'on boit fraternellement dans le même vase. Tout en buvant, on cause. Une question brûle les lèvres de Jean, qui demande, sans préambule, « Connaissez-vous les voyageurs qui nous précèdent ?»« Ce sont des cavaliers roses, je n'en sais pas plus. » Se sont-ils arrêtés ici, le temps de fumer une cigarette et de vider un pot? Combien ont-ils d'avance sur nous? Une bonne heure. Pourquoi n'ont-ils pas couché ici? Je ne sais pas. Où vont-ils? No sabe. Je ne sais pas. Quel âge peut bien avoir l'homme qui monte un cheval noir plus haut que les autres? Je ne l'ai pas regardé, répond le manso, avec son apathie peut-être voulue d'homme qui boit, mange, fume, digère, dort et n'en demande pas davantage. Un cri joyeux interrompt cette conversation monotone. Le dîner est prêt. Une omelette au saindoux qui parfume la case. Une enchilada faite de ses piments charnus. Chiles, mordant comme braise, mijoté avec des oignons. Puis enfin une étuvée monumentale de frijoles, ces petits haricots noirs, qui terminent invariablement les repas du peuple au Mexique. Déjà la fille aînée, qui se manifeste comme une habile tortillera, s'est mise à confectionner les tortillas. Rude besogne qui prend un temps infini, absorbe l'attention, cuit la face et les mains, brise les muscles et provoque des averses de sueur. La tortilla tient un lieu de pain, presque inconnu là-bas, du moins chez le peuple. C'est l'aliment par excellence que rien ne remplace et ne remplacera de longtemps. C'est lourd, c'est indigeste, d'une saveur fadasse insupportable pour l'étranger habitué au régime du pain. C'est l'infaillible propagateur de la dyspepsie. Mais le Mexicain raffole, et préfère à tout sa chère tortilla, qu'il avale brûlante et en quantité respectable. Peut-être aimera-t-on connaître la formule et le tour de main de ce mets exotique. Voici comment procède le tortillera. Une certaine quantité de maïs est mise à macérer dans l'eau. Les grains se gonflent et mollissent. Ils sont à point. La femme en prend une poignée, l'éparpille sur une pierre basaltique bien plate que les Indiens appellent metate. Premier temps. Elle saisit à deux mains un rouleau également en basalte, s'agenouille devant le métate et fait tourner vigoureusement le cylindre de façon à bien aplatir le maïs. Et tout en écrasant les grains, elle humecte la pâte avec de l'eau pour la rendre homogène et consistante. Deuxième temps. Cela fait, elle soulève la pâte, la tapote, l'aplatit dans ses mains, régularise son contour et en fait une sorte de crêpe de la grandeur d'une assiette. Troisième temps. Enfin, elle la dépose sur la plaque d'un fourneau grossier dans lequel brûle de la braise. La galette, très mince, se boursoufle et cuit vaguement pendant 2 minutes. C'est le quatrième temps. L'opération a duré en tout 4 minutes. Comme les gens font une consommation énorme de ce mets qui rappelle de très loin la panification, la malheureuse tortillera est occupée sans relâche, du matin au soir. C'est un labeur, une obsession, une souffrance, à tel point que l'on entend sans trêve le ronflement du rouleau et le tapotement des mains, coupés de halètements qui font songer à nos mitrons. On sait que les tortillas sont servies brûlantes. Aussi un estomac d'Europe serait obstrué dès la première. Naturellement, Jean et Joey font largement honneur au festin de leur hôte, et Joey, le fin gourmet, roule en cornet ses tortillas, les remplit de frijoles et les savoure comme des chaussons aux pommes. Quelques vastes gorgées de mezcal font descendre ses friandises plutôt indigestes, et comme on se couche tôt là-bas, l'hôte conduit à la chambre les deux jeunes gens. Pour meubles, il y a deux gros coffres garnis de cuivre servant de sièges, et une demi-douzaine de nattes en feuilles tressées de palmistes. Ces nattes sont les pétates dont le nom et la forme n'ont pas changé depuis les ancêtres de Gatimosine. Jean et Joey disposent leurs selles en guise d'oreiller, s'enveloppent dans leurs harapes et s'endorment du sommeil du juste. Un peu avant le jour, des hennissements et des coups sourds les éveillent en sursaut. Le hangar servant d'écurie est tout proche. « Les chevaux, les chevaux !» s'écrie Jean de Fer en songeant aux compagnons de leur rude existence. Couchés tout habillés, ils prennent juste le temps d'allumer la petite lampe alimentée à l'huile de coton dans laquelle trempe une mèche. Ils arrivent 4 à 4 au hangar et voient leurs bêtes se rouler, hennir plaintivement, se mordir le bas-ventre, bref, paraissant souffrir horriblement. Bob aperçoit son maître, hennit encore, et fixe sur lui ses grands yeux profonds comme pour lui dire « Soulage-moi, sauve-moi » « Mille tonnerres !» gronda Jean. « Il n'est jamais malade, et dur comme du roc, le meilleur cheval du pays !» « Je ne l'ai pas surmené. J'ai dosé sa nourriture et je lui ai donné moi-même à boire. » Et Joey ajoute, navré. « On l'aurait donc empoisonné avec mon pauvre Mustang ?» Le cheval indien est encore plus mal en point. Il s'agite, se crispe et se roule comme s'il allait mourir. Enfin, tous deux ont le poil visqueux, gluant, trempé de sueur. Jean appelle d'une voix furieuse qui met en l'air toute la maison. « Benito, arrive ici, Benito !» Benito désigne ici l'Indien en général, comme John Bull, l'Anglais, comme Jonathan, l'Américain. Tout Peau-Rouge Manceau, ainsi interpellé, accourt comme si on l'appelait par son nom. L'hôte se présente, mal éveillé, bâillant, s'étirant. Il voit les bêtes battre ainsi leur litière et dit tranquillement, avec ce flegme horripilant de sa race, « Tiens, les chevaux ont les torsiones, les coliques. Ils auront pris froid. « Mais où, mais quand ?» hurle Joey qui s'exaspère. « No sabe, » dit-il sans s'émouvoir, de sa voix blanche, sans inflexion, où jamais rien ne vibre, ni douleur, ni colère, ni passion. Joey le fixe dans le blanc des yeux, serre le manche de son couteau et murmure les dents serrées. « Gredin, face de Judas, oh, si je savais !» Jean l'interrompt d'un geste et s'écrie. « Toi, frère, reste là et ouvre l'œil. » Se tournant vers l'Indien, Jean de Fer ajoute « Benito, il me faut 2 bouteilles de la meilleure aguardiente. »« Oui, Caballero, je cours les chercher. Mais je viens avec toi. »« Ah ?» fait simplement l'Indien dont le regard noir pour un moment vacille. Puis s'en va, tout déconcerté, vers sa réserve, suivi dans les talons par Jean de Fer qui interceptait ce regard. Plus de doute. Le coquin a médeciné les chevaux et il voulait truquer son eau de vie. Faisant contre fortune bon cœur, il tire à même une grande jarre en grès, les 2 bouteilles il remet au jeune homme. Jean retourne 4 à 4 près des chevaux. Aidé de Joey, il les entrave solidement avec les lassos et, bon gré mal gré, leur entonne dans la gorge à chacun le contenu d'une bouteille. Secoués de la tête aux pieds par ce breuvage incendiaire, les chevaux frissonnent, se tordent et transpirent avec une surabondance incroyable. Bientôt ils sont couverts d'écume. « Ils sont sauvés, » dit Joey. Mais il leur faudra 24 heures pour s'en remettre. Et pendant ce temps-là, les autres courent toujours et prennent de l'avance. Bon, c'est un malheur, moins grand cependant que la perte de nos chevaux. Eh oui, puisque sans eux, nous ne pouvons rien. Rageant à froid, dévorant leur colère, force leur est de rester là. D'heure en heure, ils frictionnent vigoureusement leurs bêtes, vont et viennent autour de la case, mais à tour de rôle, et ne les laissent jamais seuls. Ils ont trop l'expérience de la vie d'aventure et connaissent trop bien les Indiens pour douter un seul instant de la fourberie de leur hôte. Certainement, il est complice des fugitifs, mais l'épreuve. Trop heureux d'ailleurs de n'avoir pas été eux-mêmes empoisonnés, ils se promettent de veiller sur les personnes, sur les choses, sur tout. La journée se traîne ainsi. On mange en s'observant. L'Indien regarde toujours de son œil bridé les jeunes gens qui exigent la présence à table de la famille entière, même des plus jeunes enfants. Pour plus de sécurité, il ne mange que des aliments communs à tous et sans rien accepter que l'homme n'ait lui-même dégusté. Le soleil se couche, il s'installe à l'écurie, résolu à ne pas dormir. La nuit s'écoule, très calme, sans incident. Le jour venu, il selle les chevaux qui vont mieux, mais sont très faibles. Après un adieu des plus froids, il quitte cette maison de malheur et se met en route à pied, conduisant par la bride Bob et le Mustang. les inconnus ont près de 30 heures d'avance. Ils retrouvent néanmoins leur piste et sous un soleil de feu la suivent pendant une quarantaine de kilomètres. Mourant de faim et de soif, les chevaux se traînent péniblement. Et Jean ne veut pas leur donner à manger, moins encore à boire. Mais il regarde de tous côtés, comme s'il espérait rencontrer quelque panacée merveilleuse, jusqu'alors introuvable. « Enfin, voici des nopals » s'écrie-t-il tout joyeux. Ils arrivent devant une de ces oasis réellement étranges, qui çà et là émergent des sables mexicains. Une oasis d'où surgit une flore stupéfiante, composée d'aloès, de figuiers de barbarie, d'agave, de nopales et d'euphorbes. Des géants hérissés d'épines, qui rampent en longs cylindres, se superposent en raquettes, se croisent en lames de faux, se dressent comme des poutrelles, charnues, ronds ou pointues, lancéolées ou quadrangulaires, feuilles et tiges à la fois, et constellées d'un semis éblouissant de fleurs d'or ou de pourpre. Alentour et au milieu de cette végétation rébarbative de ces monstres qui croisent de façon désordonnée, sans eau et sans humus au milieu des sables, ne se trouve aucune autre plante. Il n'y a là que ces sujets d'aspect féroce aux formes de cauchemars. Quelques-uns sont mortels, beaucoup sont ou stériles ou vénéneux. Un certain nombre sont de précieux aliments pour les bêtes qui dévorent les tiges. Parmi ces derniers, il y a une espèce vivace et charnue entre toutes et dépourvue d'épines. Elle porte le nom caractéristique de Forraje del Desierto, fourrage du désert. Les animaux sauvages ou domestiques en sont très friands et peuvent en absorber d'énormes quantités. C'est la présence de cette espèce qui vient d'arracher à Jean son cri de joie. Il s'agit seulement de la rendre accessible. Le jeune homme saisit son machette et dit « Déblayons !»« Oui, déblayons et largement !» renchérit Joe. Tous deux se mettent à sabrer les feuilles épineuses des plantes voisines dont le hérissement barre le passage aux chevaux. Et ces derniers comprennent très bien la manœuvre de leur maître qu'ils suivent pas à pas avec de petits hennissements de convoitise. Voilà qui est fait. La place est nette. Débridés et décellés, libres comme des chevaux sauvages, Bob et le Mustang croquent avec une sensualité gloutonne les feuilles si tendres et si juteuses. Le suc, qui surabonde dans cette pulpe si nourrissante, ruisselle de leurs lèvres avides. Ils se gorgent sans trêve, sous les regards amusés de leur maître, qui savent combien est réconfortant lui-même cet excès. « À boire et à manger, du même coup !» fait Joey. « Un fameux cataplasme intérieur !» ajoute son ami. Le remède par excellence des torsiones, et qui va rendre à nos pauvres compagnons toute leur belle vigueur. Nous suivons toujours la piste, n'est-ce pas, frère? Plus que jamais. Il n'y a là qu'un simple incident qui me met en défiance. Mais il me faut cet homme qui écoutait les confidences de notre chère Mamita et qui a voulu m'assassiner quand je l'eus découvert. Je me trompe fort ou ce gredin-là connaît le secret du trésor qui a coûté la vie à mon pauvre père?